Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une émission enregistrée avec le chanteur Julien Doré en janvier 2018, à l'occasion de sa tournée estivale « Vous et moi ». Détestez la chanson populaire, mais ne la méprisez pas, écrit Marcel Proust, car la chanson ce n'est pas de la littérature, certes, mais c'est un raccourci bien commode et parfois sublime qui exprime en quelques phrases ou parfois autant de vers ce que l'on peut mettre une vie à essayer d'expliquer. Ne pas expliquer, ne pas commenter, mais dire et décrire au creux de l'oreille, en rythme et en mélodie, ce de quoi notre existence aussi est faite. Elle est en route sur les chemins de la philosophie. On commence en 1977 sur France Musique et en musique, bien sûr. Plaisir d'amour n'est dur que moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. John Baez, plaisir d'amour. C'est joli, non? C'est très joli. Je trouve qu'on a envie de l'embrasser après. Je sais très bien pourquoi j'aime la chanson. D'abord, là encore, c'est un thème très traditionnel et j'aime beaucoup en littérature, en musique, j'aime beaucoup les banalités. Je trouve qu'on n'a pas fait assez l'éloge de la banalité. Et bon, les recherches, c'est très bien, je suis très pour aussi. Mais la banalité, c'est très important. Et je crois que le grand nombre aime beaucoup la banalité. Et il a raison. Racine, c'est aussi la banalité. Les sentiments de tout le monde. Alors le thème, le plaisir d'amour, ça passe. Et le chagrin d'amour, ça dure. Bien, c'est un thème admirable parce qu'il est très banal et que tout le monde le comprend. Bonjour Julien Doré. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Mais c'est un plaisir. On est ravis de vous accueillir en tout cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean d'Ormesson lorsqu'il dit que la chanson populaire, c'est l'art de la banalité? Oui, c'est joliment dit. Bon, c'est un... Au fond, ça reste un... Comment dire, un miroir tendu, quoi. Vers aussi un quotidien, vers aussi des choses qui se reproduisent, des choses qui se ressemblent et qu'on partage toutes et tous. Donc oui, d'une certaine façon, oui. Mais il y a aussi du sublime dans la banalité. C'est parfois ce qu'on essaie d'aller chercher en elle. Ouais. Mais s'il suffisait de décrire ce qu'il y a de banal, alors peut-être que ce serait à la portée de tous. Alors il y a bien quelque chose que le chanteur fait, l'auteur, chanteur, compositeur, que les autres ne font pas. Bah, la mise en musique des... Comment dire, des choses qu'on partage, la mise en mots peut-être un peu différente des choses qu'on partage et qu'on pourrait simplement se dire, se raconter. En fait, le fait de les mettre en musique et d'essayer de les mettre en chanson, oui, c'est sans doute ça qui fait la différence. Ça amène pas à la façon de raconter tout ceci plus haut ou plus basse, ou c'est juste que ça l'amène ailleurs, en fait. Et c'est ce qui fait la particularité des banalités racontées dans les chansons. Hein. Est-ce que vous arrivez à identifier ce moment qui fait que... quelque chose vous intéresse et vous, ou quelque chose vous préoccupe, quelque chose vous fait peur, quelque chose vous passionne, et vous allez vous mettre à écrire une chanson, monsieur, ce passage-là. Non, parce que généralement, le rapport que j'ai avec les chansons que j'écris, c'est qu'elles se sont imposées à moi à un moment donné. C'est-à-dire que, elles sont sans doute l'héritage d'un ressenti, d'une émotion, de quelque chose de vécu, en quelque sorte d'une matière en soi. Et qu'à un moment donné, cette matière revient et j'essaie d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que elle est là et j'essaie de l'habiller, quoi, de lui donner une forme qui soit la plus jolie possible pour raconter ce vécu-là, ce ressenti-là. Mais je sais jamais quand ça arrive. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'envie d'écrire qui va faire naître une chanson. Et c'est souvent parce que cette matière-là est trop forte qu'à un moment donné, elle déborde et qu'elle devient un quelque chose. Voilà. Vous en parlez comme un sculpteur, une matière qui est là, qui s'impose à vous, qui est devant vous et à laquelle vous voulez donner une forme. Mais c'est assez marrant parce que la plupart du temps, les chansons naissent d'abord sous forme de dessin. En fait, moi j'ai commencé, ma façon d'exprimer ce que je ressentais d'abord par le dessin quand j'étais tout petit. Ça a vraiment commencé par ça, bien avant la musique. Et aujourd'hui encore, je me rends compte que dans les carnets dans lesquels je peux écrire parfois quelques phrases, quelques suites d'accords, etc. Souvent, ces phrases existent d'abord comme une image, en fait. Ce qui explique sans doute que dans les phrases que j'écris, dans mes chansons, parfois il y a des choses qui se mélangent tellement, même si elles vont pas ensemble, et pourtant elles forment comme un monstre de plusieurs mots, quoi, comme un être qui symboliserait plusieurs mots mis ensemble, même si dans la vie de tous les jours ils vont pas forcément ensemble. Et c'est vrai que c'est souvent ces dessins-là d'abord que je vois avant de voir les phrases elles-mêmes, en fait. Comme si vous transposiez dans l'univers des mots ce que vous voyez d'abord de manière visuelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est d'abord devant mes yeux, avant de se déplacer vers comment va faire ma bouche pour les chanter, quoi, pour les raconter aux autres. C'est d'abord visuel, ouais. Mais même presque palpable, en fait. C'est pour ça que quand vous parliez du sculpteur, c'est aussi ça. C'est une façon d'appréhender cette matière-là et de la modeler, vraiment. Il y a quelque chose, sans doute, dans le rapport au dessin ou à la matière qui ne vous suffit pas, puisque vous voulez chanter, vous vouliez ajouter de la musique. Vous avez fait des études, vous êtes allé étudier aux Beaux-Arts, je crois. Oui. Et vous auriez pu continuer à créer de cette manière-là. Vous avez choisi la chanson. Oui. Alors, en fait, comment dire, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais je sais précisément quand. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais un groupe avec lequel je faisais une espèce de rock'n'roll assez brut, assez instinctif, assez bruyant, assez en colère, d'une certaine façon. Et pendant ces études-là, à un moment donné, on a fait notre premier concert dans un bar à Nîmes. Et j'ai su que cet instant-là, que l'instant présent où j'exprimais et où je proposais une forme artistique, c'était comme ça que je voulais le faire. C'est-à-dire que je voulais retrouver cet instinct-là qui était en train de me surprendre, en fait. Je me suis dit que la seule chose qui m'intéressait, c'était l'instant et l'instinct avec laquelle j'allais pouvoir faire ces choses-là. Et j'avais plus de mal dans les formes artistiques que j'essayais de manipuler quand j'étais au Beaux-Arts, que ce soit le dessin, la vidéo d'art, des installations, des choses comme ça, parce que j'avais toujours l'impression que il fallait que mes mots viennent bercer ce que je proposais au regard, en fait. Comme s'il fallait que j'enveloppe ce que je proposais d'un discours rassurant pour le faire exister. Et puis quand j'avais ma guitare et puis la voix et puis juste cet instant-là, en fait, il n'y avait pas besoin de justifier les choses pour qu'elles existent et peut-être même qu'elles touchent certaines personnes présentes. Et ça m'a plu, en fait. Je pense qu'il a été là, en fait, le déclic. Parce que dans la chanson, il y a une forme d'immédiateté qui peut toucher, dans le meilleur des cas, directement l'auditeur, alors que dans l'art contemporain, on sent toujours le besoin de devoir expliquer, commenter, justifier une œuvre d'art. Ah, je ne sais pas si c'est le cas tout le temps, parce qu'au fond, la plupart des œuvres d'art contemporain, elles existent aussi d'elles-mêmes. Elles sont proposées au regard, on passe, et puis certaines d'entre elles nous touchent. Mm-hmm. Mais c'est le cas de toutes les œuvres, au fond. Mais c'est vrai que, en tout cas, avec moi-même, en fait, avec ma propre façon de me dire, si tu es artiste, comment tu dois te sentir là-dedans? Je me sentais bien et bien mieux quand je chantais que quand j'expliquais ce que je tentais de faire dans les arts plastiques que je manipulais. Ouais. Vous parlez d'instinct et d'instant qui doit être très présent quand vous jouez une chanson devant quelqu'un, sur le moment ou quand vous la composez. Et pourtant, l'histoire de la chanson populaire, dont vous êtes aussi l'héritier, parce que vous n'êtes pas sorti de nulle part, oui, est faite de reprises, de répétitions. Oui. On est dans un temps très long qui n'est pas du tout celui de l'instant. Et ce paradoxe est assez intéressant. Oui, bien, dans le meilleur des cas, ou du moins dans un joli cas, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en fait, c'est toute la différence entre le fait qu'on puisse aimer la musique et qu'on puisse aimer des chansons. Et le moment où on est dans la position de les écrire et de les interpréter, c'est justement tout ce décalage-là qui est intéressant. En fait, quand j'écris, je me pose pas du tout la question de la destination, de la trace que va peut-être laisser cette chanson-là, de qui elle va toucher, de pourquoi elle va le toucher. J'ai juste besoin de la faire exister. Et je me dis que si dans ce besoin-là, il y a une vérité qui est en moi et qui me pousse à la faire exister, c'est que peut-être elle pourra voyager vers quelqu'un d'autre et que chez lui, elle fera naître quelque chose. Mais après, son histoire, sa destinée, je la maîtrise pas. Mais bien heureusement qu'on maîtrise pas les choses qui restent, qui vont plaire, qui vont séduire, qui vont aller ailleurs, quoi. On peut pas décider de ça, mais c'est tant mieux, quoi. Si j'ai bien compris. Bien compris quoi? Votre métier? Mon métier, je sais pas. Non, je pense que justement, tant qu'on est dans le mouvement et dans l'incompréhension des choses, on arrive à faire des choses intéressantes. Le jour où on a, où on a tout compris et qu'on s'assoit paisiblement dans un grand fauteuil pour continuer à faire les mêmes choses, c'est là qu'on devient complètement mou et inintéressant. Vous êtes notre chanteur populaire cette semaine. Je ne sais pas si vous le savez, Julien Doré. Toute cette série d'émissions est sur la chanson populaire. On a parlé de Claude François lundi, de David Bowie, de Dalida mardi, hier, de beaucoup de chansons à la fois françaises, mais aussi de rap, mais aussi de chansons américaines. On voulait quand même, pour cette série-là d'émissions, entendre quelqu'un dont c'est le métier. Est-ce que le terme de chanteur populaire, déjà, est-ce que le terme de métier, ça vous va? Est-ce que c'est votre métier? En tout cas, vous en vivez. Est-ce que l'appellation chanteur populaire vous va? Ça fait un peu Daniel Balavoine, quoi. Je me présente, je m'appelle Henri. C'est-à-dire qu'il y a, aussi mon parcours là depuis 10 ans. Il est tellement fou en fait, que j'essaie par pudeur de ne jamais l'analyser. Et du coup, je n'emploie jamais ces mots-là. J'emploie toujours les mots de hobby, par exemple. Mais volontairement, en essayant de faire rigoler la personne qui me parle de mon métier. Voilà, si je dis non, mais c'est juste une passion. Je fais ça pour supporter le temps, pour parce que ça m'aide à survivre, parce que survivre dans le sens de vivre avec ce que je ressens et de vivre avec ma façon de ressentir le monde qui m'entoure, quoi. Si je pouvais pas l'exprimer dans les chansons ou si je pouvais pas le chanter sur scène, je supporterais pas ma vie. Enfin, je supporterais pas l'idée d'être vivant, en fait. Mmh. C'est plus ça. Du coup, voilà, j'essaie toujours de détourner ça pour pas parler des mots, je sais pas moi, carrière, métier, ou même d'avoir conscience de qui je suis à un instant T, parce que les choses bougent en permanence et particulièrement dans la chanson, en fait, dans le domaine artistique, c'est-à-dire qu'on touche jamais tout le monde, et ces choses-là, on peut pas vraiment contrôler aussi le temps pendant lequel on va faire ça, en fait. Ça peut s'arrêter, s'éteindre en une fraction de seconde, et c'est aussi ça qui est joli, c'est finalement ça qui est excitant aussi, je crois. Et la dimension populaire, au sens le plus noble du terme, évidemment, de vos chansons, dans la mesure où elles sont extrêmement écoutées, vos albums sont vendus à des millions d'exemplaires. Vous êtes populaire. Est-ce que ça entre en compte dans tout le processus de création que vous venez d'écrire, qui est un processus très solitaire, très intime? Comment est-ce que les deux peuvent être compatibles aujourd'hui? Parce que ce que vous venez de décrire, c'est jamais présent au moment où j'écris, en fait. Ou au moment où je compose, ou au moment où je commence à former du lien entre les chansons et en me disant, mais en fait, là, c'est l'histoire d'un disque et c'est un disque qu'à un moment donné, je vais avoir envie de proposer aux autres. À aucun moment dans cette période-là, je me pose la question de ce qui va se passer ou de ce qui a été et que peut-être je dois répondre à des attentes ou des choses comme ça. Jamais, en fait. Et au contraire, je suis même persuadé, aujourd'hui particulièrement, d'ailleurs, je sais pas si dans la chanson, ça a toujours fonctionné comme ça, mais je suis persuadé aujourd'hui que quand on ne fait que précisément ce qu'on aime, au sens où ce qu'on a urgemment besoin de dire, quand c'est ça qu'on propose, je pense qu'on est beaucoup plus respectueux des gens qui nous aiment, en fait. Même si, effectivement, j'ai conscience que depuis quelques années, ils sont plus nombreux, mais justement, je pense que j'ai un peu l'impression, au contraire, d'essayer de préciser ce que je fais, au sens d'aller de plus en plus au bout de ma propre recherche, en me disant qu'ils me font confiance. Mais vous avez aussi énormément de plaisir à partir en tournée, une fois que l'album est sorti, communiquer avec le public, et vous jouez aussi de cette popularité, c'est aussi un plaisir, c'est pas qu'une contrainte. Non, bien sûr. Mais non, mais c'est jamais vécu comme une contrainte, je dis juste que c'est absent du moment de l'écriture. Mais après, finalement, la seule raison pour laquelle j'écris des chansons, c'est justement parce qu'à un moment donné, je pars en tournée. C'est parce que pendant des mois, je vais être au contact réel de ceux qui ont pu m'écouter, peut-être même aimer ce que je faisais, ou qui sont venus me découvrir. C'est ce moment-là qui est l'essence même du pourquoi, en fait, pourquoi je fais ça. C'est pour monter sur scène et vivre ce que je vis quand je suis en tournée. Ça, c'est unique. Je pense que la tournée s'est terminée il y a quelques temps. Ce que j'ai ressenti en quelques mois, c'est des émotions que normalement, dans ma vie d'être humain, j'aurais jamais ressenti en une vie. En fait. Et ça, quand ça s'arrête, on prend. Enfin, comment dire, quand c'est la dernière date, on prend conscience de ça, de ce qu'on a bu, reçu, volé, d'une certaine façon, aux autres, quoi. Et ce qu'on a échangé, tout ça. Ça, c'est tellement intense que ça. Bah, ça c'est comme si on avait plusieurs vies, en fait, quand on est sur scène, quoi. Mais ça, oui, ça, c'est la raison pour laquelle j'écris des chansons, en fait. C'est la raison pour laquelle je sors d'une solitude et que j'ai besoin d'aller vers l'autre, en fait. En fait, ce qui me plonge, moi, dans l'envie d'être tout seul par moment, c'est parce que je, parfois, je comprends pas l'autre, voire même je le hais, en fait. Et je le déteste parce que je le comprends pas, je comprends pas ce qui se passe autour de moi, je comprends pas l'époque dans laquelle je vis, et j'ai besoin d'aller trouver dans ma solitude quelques réponses, et puis à un moment donné, je me sens tellement seul avec moi-même que j'ai besoin de revenir, quoi, vers les autres et de leur dire des choses, du moins de leur raconter mes petites histoires et de les partager avec eux, quoi. C'est ce va-et-vient-là qui me sauve, en fait, quoi. La spécificité de votre popularité, c'est que le public français y a assisté. On vous a vu naître, littéralement, à la chanson française avec La Nouvelle Star, c'était en 2007. Mmh. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible il y a encore 10 ans avant, enfin 20 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on a vraiment assisté à la fabrique d'un succès auquel vous avez dû ensuite bien déployer tous les efforts possibles pour être à la hauteur de ce succès. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un type de popularité qui a pu vous attirer sans doute le mépris de beaucoup de personnes disant mais c'est un produit de la télé, c'est un truc justement populaire au sens le plus snob du terme. Et ce qui a dû vous exacerber la pression en disant maintenant je vais montrer que je suis à la hauteur de ça, mais on a assisté vraiment à la fabrique de cette popularité. Mais en fait, déjà à l'époque, j'avais conscience que cette fabrique potentielle à succès était sur 90% des cas vouée à l'échec. C'est-à-dire que c'est quand même assez étonnant de voir une porte s'entrouvrir et de se dire quand même, ça peut peut-être m'aider quand même à faire quelque chose de ce que j'ai envie de faire, quoi. Mais de se rendre compte sur les années précédentes, etc., de voir que quand même à chaque fois, c'est quand même très très difficile, même si le succès est là pendant quelques semaines, à condition qu'on gagne cette émission, que derrière c'était souvent une immense faille, quoi, un grand gouffre, quoi. Donc j'avais parfaitement conscience de ça, donc je me suis dit, bon, après tout, autant essayer d'y prendre du plaisir, mais ça a été difficile au début. Et puis après, j'ai pris du plaisir. Et quand, sans du tout imaginer ce qui allait se passer, j'ai effectivement remporté cette émission, là, oui, le précipice, le gouffre, il était pas loin, je le voyais, quoi. Et je voyais surtout qu'il allait falloir que je me batte beaucoup à ce moment-là précisément pour faire exister ce que j'avais envie de montrer aux autres, en l'occurrence mes chansons, ma présence sur scène, enfin aller raconter tout ça. Il a fallu du temps, mais il a fallu aussi pas mal d'années avant que ça trouve une cohérence chez les autres, mais aussi en moi-même, en fait. Il a fallu que je reprenne pied avec tout ça. C'était un petit peu... Pour moi, il y avait trop de décalage. J'ai vu les premières années après La Nouvelle Star comme... D'ailleurs, je le disais assez ouvertement, comme une forme d'imposture. En fait, je comprenais pas qu'on puisse s'intéresser à moi alors que j'avais simplement repris les chansons des autres à ma façon. Mmh. Et que je comprenais pas, en fait, cette lumière-là, cette écoute-là, cette attention-là. Je la comprenais pas. Il a fallu du temps. Et c'est le fait de... En fait, je pense que c'est le fait de véritablement écrire et composer qui a changé complètement la donne. Quand il y a eu du sens, et quand j'ai vraiment eu besoin d'écrire ce que j'écrivais, et de le porter, là, ça a tout changé, quoi. C'est devenu cohérent, ça s'est apaisé. Mais voilà, il a fallu quand même pas mal d'années. On peut ne pas se dissoudre dans cette popularité, mais il faut dire que les moyens d'aujourd'hui... Peut-être horizontalise les relations entre les chanteurs populaires, les stars et le public et ceux qui les écoutent. Vous avez la possibilité aujourd'hui de répondre directement à ceux qui vous interpellent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou que sais-je encore. Il y a une volonté chez vous d'essayer de diminuer au maximum l'écart qu'il pourrait y avoir entre votre public et vous-même. C'est vrai, mais c'est pas... Comment dire? Parce que aujourd'hui, je suis pas persuadé que cultiver un mystère qui serait... conscient, c'est-à-dire essayer de faire naître de soi dans ce qu'on fait quelque chose de mystérieux, d'un peu caché, mais essayer de faire ça comme une stratégie, je pense que c'est un peu idiot en fait aujourd'hui. C'est pour ça que moi je vois plus ma façon de faire comme une façon de désacraliser en fait ce que je suis ou ce que je pourrais être aux yeux des autres en fait. Je veux juste bien rappeler à chaque fois que c'est pas grand chose tout ça, c'est une façon de créer, certes, peut-être même que dans ce que je fais, Je me dis des fois que ça peut aider d'autres gens, etc. Que ça, enfin, qu'il y a quelque chose qui se passe, bien évidemment. Mais que voilà, moi, je suis pas dans l'idée de cultiver une distance, en fait, avec les autres. Et pourtant, après, moi, je suis plutôt timide, très réservé dans la vie. Mais j'ai besoin aussi de dire à ceux qui m'aiment que voilà, que je suis pas celui que parfois j'ai l'impression de voir à des moments dans leurs yeux ou dans certains mots me concernant. Voilà, tout ça c'est un peu bizarre en fait. Ce qui est une expérience qu'on fait tous en fait aussi. Oui, pour le coup. Bien sûr. Derrière moi j'essaie de porter ce que je fais, mais je suis. Voilà, je suis le garçon que je suis quoi. Vous racontez des histoires dans vos chansons. Écrire une chanson, c'est raconter des histoires. Alors ces histoires, elles peuvent être inspirées par beaucoup de choses de la vie. Jean d'Ormesson, au début, disait que le grand nombre aime beaucoup la banalité et donc finalement chanter le plaisir de l'amour qui passe et le chagrin d'amour qui dure. C'est un thème admirable, car très banal, et surtout que tout le monde comprend. Les histoires que vous racontez, finalement, elles pourraient être similaires à des histoires dans des livres que vous pouvez lire. Il n'y a pas vraiment de différence entre ce que vous écrivez dans la chanson et ce que vous pouvez lire. Oui, il y a un type d'écriture particulier, on ne raconte que certaines histoires dans les chansons. Me concernant, moi, c'est vrai que je parle beaucoup d'amour, en fait, du sentiment amoureux qui voyage de chanson en chanson, et en même temps, j'ai bien l'impression que quand même certains de mes textes restent assez abstraits. Enfin, j'ai très très peur d'une narration très très plaquée, très. Enfin, où on expliquerait tout de suite dans la chanson la petite histoire qu'on raconte, tous les éléments bien posés aux bons endroits, etc. Mais je suis assez surpris la plupart du temps que certaines chansons aient un écho auprès du public parce que quand je vois les textes, enfin, je les connais évidemment, je les écris, mais quand je les vois, je me dis mais voilà, il y a 1000 histoires là-dedans, on peut se figurer 1000 sens dans cette chanson. Et ça me rassure en fait de voir. Enfin, je prends un exemple tout bête, mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle Paris-Séchelles, qui est une chanson d'amour, de rupture, mais qui a eu beaucoup d'écho auprès du public. Et cette chanson-là, le texte, il est profondément triste. Mmh. Et les couplets sont extrêmement abstraits, en fait. C'est-à-dire que, et en même temps, ça voyage. Cette chanson a été vers les autres. Et ça, c'est rassurant parce que je me dis que justement, ce qui est beau, c'est de pouvoir se figurer 1000 idées, 1000 sens dans une chanson. Que l'auteur, enfin, du moins que le chanteur ne vous explique pas tout de suite. Que vous puissiez vous-même vous faire votre propre chanson, votre propre histoire, quoi. Du côté de ceux qui vous écoutent et vous aiment, et ce retour et cette demande d'une voix qu'ils aiment, qui disparaît, qu'on a envie d'écouter à nouveau. C'est finalement caractéristique de toute forme de relation amoureuse. Barthes en fait un de ses thèmes principaux. Dans les fragments d'un discours amoureux, je vous propose qu'on en écoute un extrait tout de suite interprété par Fabrice Lucchini, puisqu'on y retrouve le thème de la voix aimée, qu'on a envie d'écouter à l'infini et qui se fatigue presque d'être de tant disparaître, de réapparaître en permanence. Écoutez. La voix supporte, donne à lire et pour ainsi dire accomplit l'évanouissement de l'être aimé. Car il appartient à la voix de mourir. Ce qui fait la voix, c'est ce qui en elle me déchire à force de devoir mourir, comme si elle était tout de suite et ne pouvait être jamais rien d'autre qu'un souvenir. Cet être fantôme de la voix, c'est l'inflexion. L'inflexion en quoi se définit toute voix, c'est ce qui est en train de se taire, c'est ce grain sonore qui se désagrège et s'évanouit. La voix de l'être aimé, je ne la connais jamais que morte, remémorée, rappelée à l'intérieur de ma tête, bien au-delà de l'oreille, voix ténue et cependant monumentale, qu'elle est de ces objets qui n'ont d'existence qu'une fois disparus. Rien de plus déchirant qu'une voix aimée et fatiguée, voix exténuée, raréfiée, exsangue, pourrait-on dire, voix tout au bout du monde. Qui va s'engloutir très loin dans des eaux froides. Elle est sur le point de disparaître comme l'être fatigué sur le point de mourir. La fatigue, c'est l'infini même, ce qui n'en finit pas de finir. Cette voix brève, courte, presque malgracieuse à force de rareté, ce presque rien de la voix aimée et distante, devient en moi un bouchon monstrueux, comme si un chirurgien m'enfonçait un gros tampon de Watt dans la tête. Les chemins de la philosophie, nous parlons de chansons populaires cette semaine et aujourd'hui en compagnie du chanteur populaire Julien Doré. Nous sommes en train d'écouter une chanson de Mac DeMarco, One More Love Song, qui suit ce texte de Barthes que l'on vient d'entendre. C'est vrai que même le texte de Barthes, on peut repartir de là, il a lui-même une mélodie et un rythme. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait c'est comme s'il commentait les chansons d'amour mais en proposant lui-même ce qui pourrait quasiment être le texte d'une chanson d'amour, Julien Doré. Ouais, c'est vrai. Mais il faut quand même, je m'échappe, il faut quand même revenir sur ce collage surréaliste et extrêmement joli de Barthes et de Mac DeMarco, quoi. Dites-nous qui est Mac DeMarco pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est quelqu'un que j'adore, moi je suis absolument fan de ce garçon, de sa voix, de sa nonchalance, du fait qu'on puisse donner le sentiment qu'on propose des chansons avec une rare nonchalance et de se rendre compte quand on s'intéresse un petit peu à comment c'est fait et à comment ça sonne, que c'est d'une précision et d'un... Comment dire? Que même le vide est choisi, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la chanson qu'on écoutait, mais même tout l'album, c'est très nonchalant, c'est très posé, etc. Ça joue du bout des doigts, et en fait, ça groove, mais d'une façon rare. Et en fait, c'est ça qui est assez génial dans la musique, c'est parfois ces zones d'illusion qui sont en fait un immense travail et des choses extrêmement soignées. Ça me touche beaucoup. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, parce que quand il sort un album, il sort aussi quelques temps après toutes les maquettes aussi, toutes les choses qui ont été jetées, etc. J'aime beaucoup ce garçon. Et en plus, cette chanson s'appelle One More Love Song, ouais, encore une chanson encore d'amour. Une chanson d'amour. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fascinant de se dire qu'en fait, depuis le début de la chanson, on chante la même chose. Tout le monde chante la même chose. Et pourtant, c'est jamais exactement la même chose. Il y a toujours la même demande. Oui, mais de la même façon qu'on se pose aussi la question de, avec ces quelques notes-là, sur ce piano, comment on fait pour en faire autant? Ouais, en fait, pour faire autant de mélodies, pour faire autant de suites d'accords. Enfin, c'est fou. Mais au fond, ces thèmes-là, ils sont présents. Soit l'amour, la mort. Voilà. C'est effectivement un switch permanent entre les deux, mais. Mais avant de mourir, c'est bien d'avoir aimé, je pense. Et voilà, ce qu'on essaie de raconter. Mais c'est vrai que l'amour est très présent, oui, bien sûr. Mais ça, pour le coup, je vais pas trop critiquer l'idée, vu que c'est la base de la plupart de mes chansons. Ouais, si je vais pas te critiquer, au contraire, de voir quel moteur c'est. Alors vous disiez, oui, on parle toujours d'amour et enfin moi je vous disais c'est fou de voir qu'on peut ne pas se répéter en parlant toujours de la même chose. Et vous disiez, oui, c'est comme sur un piano, il y a un nombre de notes limité et pourtant on peut faire un nombre de mélodies quasiment infinies. Ça fait penser à un texte que vous connaissez, je crois, Novecento Pianiste. Ah oui. L'histoire de cet homme qui est né sur un paquebot. Il a passé sa vie sur un paquebot, et lorsqu'on lui propose un jour d'aller sur Terre, il dit « Mais attendez, pour moi, sur Terre, c'est comme si vous me proposiez un piano infini. Il y aurait trop de touches, trop de mélodies, je ne saurais pas quoi faire. Vous voulez qu'on l'écoute ?» Ah oui, je veux bien. Imagine maintenant un piano. Les touches ont un début, et les touches ont une fin. Toi, tu sais qu'il y en a 88 là-dessus, personne ne peut te rouler. Elles sont pas infinies, elles, mais toi, tu es infini. Et sur ces touches, la musique que tu peux jouer, elle est infinie. Elles sont 88, toi tu es infini. Voilà ce qui me plaît. Ça c'est quelque chose qu'on peut vivre. Mais si je monte sur cette passerelle, que devant moi, Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi se déroule un clavier de millions de touches, des millions et des milliards, des millions et des milliards de touches qui ne finissent jamais, c'est la vérité vraie qu'elles ne finissent jamais. Et ce clavier-là, il est infini. Et si ce clavier est infini, alors sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret. Ce piano-là, c'est Dieu qui y joue. Nom d'un chien, mais tu les as seulement vus, ces rues? Rien qu'en rue, il y en avait des milliers. Comment vous faites là-bas pour en choisir une? Pour choisir une femme? Une maison, une terre qui soit la vôtre, un paysage à regarder, une manière de mourir? Tout ce monde-là, ce monde collé à toi, et tu ne sais même pas où il finit. Jusqu'où il y en a. Vous n'avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser à toute cette énormité, rien que d'y penser, d'y vivre? Moi, j'y suis né sur ce bateau. Et le monde y passait, mais par 2000 personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, mais pas plus que ce qui pouvait tenir entre la proue et la poupe. Tu jouais ton bonheur sur un clavier qui n'était pas infini. C'est ça que j'ai appris, moi. La Terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un trop long voyage. Une femme trop belle, un parfum trop fort. Une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Quel texte, Julien Doré? Oui, mais alors c'est fou parce que quand j'ai lu cette nouvelle... Donc c'est Novecento pianiste, oui. D'Alessandro Baricco. Oui, on m'a offert cette nouvelle-là et en fait c'était bien avant cet album, pendant la création de cet album, mais c'était bien avant la tournée. Et il y a un moment où il y a une tempête sur le bateau, où en fait il continue de jouer et le piano bouge, va et vient, et en fait il s'adapte à ce rythme-là, et pendant la tempête le piano glisse, bouge, et lui continue de jouer en fait. Et cette image-là, elle m'a obsédé, mais pendant super longtemps en fait, après. Et en fait je me suis dit, mais quand la tournée va commencer, quand un jour tu seras à nouveau sur scène avec les chansons que t'es en train d'écrire là, il faut que tu fasses exister ça en fait. Et donc j'étais, mais vraiment c'était une obsession, j'ai fait fabriquer en fait un élément qui a été central d'ailleurs dans le spectacle, mais qui était donc un piano, un coffrage de piano dans lequel était glissé un synthétiseur en fait, mais on avait vraiment l'illusion sur scène que ce piano était un vrai piano droit en bois extrêmement lourd, etc. Et au départ de la tournée, je souhaitais qu'il puisse être en mouvement, presque en flottaison, etc. Donc sous ce piano, on a installé des roulements à billes avec un système de sol aussi qui permettait qu'il glisse. Et il y a un moment dans une chanson qui s'appelle On attendra l'hiver, je m'écarte de ce piano-là. Au sol, il y a beaucoup de fumée, il y a de la fumée lourde, donc faut imaginer que ce piano est posé comme sur des nuages. Et puis je me retourne vers lui et je cours vers lui et je me jette sur lui et le piano se met à bouger. Donc en fait, on a vu ce piano présent pendant de nombreuses chansons. Donc on est persuadé qu'il est lourd en fait, qu'il peut pas bouger. Et je me jette sur lui et il se met à bouger d'une façon extrêmement légère. Et puis je l'attrape sur le côté et je le fais tourner autour de moi. Et donc toute la fumée qui est au sol se met à monter. Et ce moment-là dans le spectacle, enfin bref, j'en parle d'une façon enthousiaste parce que la tournée est terminée et que ça me manque, mais ce moment-là dans le spectacle vient de la lecture de ce moment de tempête où le piano bouge en fait dans le bateau, voilà. Voilà, c'était la fin de ma phrase. Pardon. Vous excusez pas de parler, vous êtes là pour ça. Mais justement, non, mais c'est-à-dire à quel point c'est ce texte-là qui vous a donné l'idée. C'est-à-dire que ces idées-là vous viennent aussi de ce que vous lisez. Ça vient pas juste de nulle part. Parce que l'image d'un piano qu'on voit qui tangue sur un paquebot, pour nous, c'est une image de littérature. Et vous avez la possibilité de le reproduire sur scène, en fait. Ouais. Mais c'est souvent comme ça que fonctionnent les idées de mise en scène. En tout cas, je fais la mise en scène de mes spectacles, je dessine les décors, etc. Et c'est vrai que souvent ça naît de choses qui m'attrapent et qui se mettent à m'obséder parce que je les ai aimées, je les ai trouvées belles, mais dans d'autres supports que ceux comment dire, que moi parfois je travaille, quoi. Enfin, je veux dire par là que c'est pas en voyant un concert de quelqu'un d'autre que vont me venir des idées, c'est ça, ou en écoutant les chansons des autres que vont me venir des idées, par exemple de d'arrangement, par exemple. Ça peut être dans le cinéma ou effectivement dans la lecture de certaines choses. Alors quelles sont les lectures dehors, par exemple, qui vous inspirent? Alors, pour écrire les chansons, ça dépend, mais c'est vrai que Fragment d'un discours amoureux, ça a été un livre qui a été très présent pendant l'écriture de ce disque avec le journal d'Henri David Thoreau. Ça a été deux livres qui étaient faits d'une façon où je pouvais piocher en eux des fragments. C'est-à-dire pouvoir aller prendre quelque chose, pas forcément pour l'utiliser, mais simplement parce que je faisais une pause à un moment donné. Choper quelques bouts comme ça et puis m'en échapper et revenir, mais pas forcément à la même page. Et ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup nourri, notamment le moment d'isolement pendant lequel j'ai fait ce disque dans ce chalet en montagne qui faisait écho à pas mal de choses que je trouvais extrêmement poétiques dans ces écrits-là et qui m'ont accompagné au fil des semaines de l'écriture de ce disque et de l'enregistrement de cet album. Parce que chez Thoreau, on ne trouve pas beaucoup d'amour, même on n'en trouve quasiment pas, mais en revanche, c'est la solitude et ce que j'entends mes soins appeler la banalité, l'observation de ce qu'il y a devant soi. Et dès lors qu'on l'observe, on se rend compte que ce n'est pas du tout banal, c'est absolument extraordinaire parce qu'on ne regarde jamais. Oui, et puis surtout ce qu'il y avait devant lui et puis ce qu'il y avait devant moi à ce moment-là, dans ces montagnes-là, c'était la nature, quoi. Et une nature encore... d'une certaine façon, encore vierge de l'homme, enfin, du moins de la façon dont il a pris l'habitude de l'abîmer, en fait. Elle était encore... Et quand elle n'est pas abîmée, ou quand elle n'est pas travestie par l'homme, elle est extrêmement puissante. Elle vous change, quoi. Elle vous transforme. Donc c'est sans doute pour ça aussi qu'un livre comme Walden, par exemple, m'a beaucoup parlé, parce que c'est cette façon qu'on a aujourd'hui de s'habituer à ne plus du tout être en tant qu'être humain dans un rapport au temps naturel, en fait, de savoir qu'il faut qu'on aille se coucher à ce moment-là, de fonctionner en termes d'horaire et qu'il faut se réveiller le matin venu, etc. Mais on fonctionne plus du tout par rapport à ce qui nous entoure, enfin, c'est con, mais moi je viens du sud, et par exemple, le soleil, le rapport au soleil, de pouvoir, si on le veut, le voir se lever, l'observer se lever, le voir se coucher, etc., sans que des choses soient devant lui, devant cet horizon-là, en fait. C'est tout bête, mais ça, moi, je sais que je m'y réhabitue très vite. Et qu'à chaque fois, je me dis, mais comment t'as pu l'oublier et te transformer, en fait, d'une certaine façon? Oublier ce rapport au temps-là, celui des saisons, etc. C'est ça, en fait, qui m'a marqué dans Walden aussi. Façon de fonctionner avec un temps qui passe, mais ce temps qui est naturel, pas celui qui enfin voilà, avec lequel on fonctionne aujourd'hui dans une ville comme Paris, par exemple. Et dans Walden, on trouve des descriptions magnifiques du lac. Walden étant le nom du lac auprès duquel Thoreau se trouve, et ce lac, il raconte notamment comment le lac va dégeler à l'arrivée du printemps, le bruit que la glace fait quand elle fond sur l'eau, et le thème du lac et de l'eau en général est très important pour vous, Julien Doré. En tout cas, on le retrouve dans beaucoup de vos chansons, quels que soient les albums, quasiment. Surtout dans le dernier. Oui, surtout dans le dernier. Et c'est vrai qu'on... Comment dire, ça a été aussi un sujet un peu... Comment dire, on m'a un petit peu taquiné là-dessus, parce que c'est vrai que l'eau était très présente. Et en fait, je comprenais pas pourquoi on posait cette question, en fait. Ça m'a pas agacé, parce que au contraire, ça me fait sourire. Mais je comprenais pas pourquoi on était très taquin sur le fait qu'il y ait de l'eau dans mes chansons, en fait. Et je disais, mais parce que l'eau, c'est nous, en fait. C'est nous, puis elle est autour de nous, elle monte, et puis elle est là, puis elle est présente. Elle est tout le temps présente, et elle est en grande majorité présente. Et puis elle est dans ces larmes-là, dans ces larmes que j'explique. Elle est partout. Et je comprenais pas, en fait, que ce soit quelque chose de comment dire, qui puisse être relevé, en fait, dans les chansons. Mais effectivement, quand je regarde les textes, c'est vrai qu'elle est partout dans cet album. Il y en a un autre qui parle beaucoup de l'eau et qui confère aussi à l'eau une grande puissance poétique, c'est Gaston Bachelard. L'eau enchaîne aussi bien les images de la vie que les images de la mort. L'eau, comme tous les éléments, donne prise à de multiples ambivalences, ou pour mieux dire, elle concrétise l'ambivalence qui vit au cœur de l'homme. Elle est, dans les beaux jours de la vie humaine, la substance de vie. Elle est le lait de la terre. D'innombrables variations animent ce thème général de la maternité des eaux. Nous nous croyons fondés à dire que l'eau est un véritable élément psychique, un élément qui amasse les images dans nos rêves comme dans nos pensées, un élément qui règne dans notre conscient comme dans notre inconscient, un élément que nous aimons en nous et hors de nous, une boisson et un filtre, une réalité et une puissance. En suivant les images de l'eau, le poète est assuré de trouver un élément de la poésie universelle. Vous connaissez la voix de Gaston Bachelard, Julien Doré ? Non, je ne connaissais pas sa voix. Mais justement, moi, j'essaie de, parce que c'est quand même assez compliqué à lire. Ouais. Être très très honnête, hein, j'ai un petit peu de mal, mais ça fait effectivement quelques semaines. Ah, vous l'avez devant vous ? Oui, je l'avais avec moi. Voilà, parce que on m'a confié. C'est quoi ? C'est l'eau et les rêves ? L'eau et les rêves, ouais. J'avance et c'est incroyable. Ouais, j'ai noté juste un, parce que justement sur l'eau, c'est bon voilà. Je savais pas vous alliez passer cet extrait, mais il y a quelque chose qui est super beau quand il dit on ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve, parce que déjà dans sa profondeur, l'être humain a le destin de l'eau qui coule. L'eau est vraiment l'élément transitoire. Il est la métamorphose ontologique essentielle entre le feu et la terre. L'être voué à l'eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute. Sans cesse, quelque chose de sa substance s'écoule. La mort quotidienne n'est pas la mort exubérante du feu qui perce le ciel de ses flèches. La mort quotidienne est la mort de l'eau. L'eau coule toujours, l'eau tombe toujours, elle finit toujours en sa mort horizontale. La peine de l'eau est infinie. La peine de l'eau est infinie. Et forcément, voilà, quand je suis dans dans ces pages-là et que je tombe sur cette, tout ceci dit de cette façon-là, voilà. Ça me parle, mais ça me parle dans. Enfin, c'est comme c'est une grande beauté en fait que je lis et qui donne du sens en fait aux questions parfois que je me pose sur pourquoi certaines choses sont aussi présentes presque inconsciemment aussi dans mes textes, etc. C'est-à-dire que c'est au fond chez les autres parfois, chez ceux qu'on découvre et qu'on se met à aimer, qu'on trouve les réponses à des choses qu'on fait de soi-même mais inconsciemment en fait. Ça, c'est assez bouleversant, en fait. Voilà. D'autant que Bachelard lui-même parle de psychanalyse du feu, psychanalyse des éléments, c'est-à-dire qu'il mise aussi beaucoup sur une part inconsciente du rôle que ces éléments jouent pour nous, dans notre pensée, dans notre créativité. Oui, totalement. Mais il y a chez lui, enfin, dans L'eau et les rêves, il y a chez lui une façon aussi de parler du fait qu'on peut parler des choses qu'on ressent, les exprimer comme ça, mais que c'est pas assez intense en fait, que la matière en soi, c'est ça qu'on doit attraper et qu'ensuite on doit la porter avec les bons mots, le bon ornement, quoi. Et en fait ça m'a vachement parlé pour les chansons, en fait, justement, de me dire qu'une chanson pour une chanson, c'est, même si elle est très jolie, très très bien décorée, il y a quelque chose qui peut sonner totalement faux en fait, mais que si elle l'a en elle une matière, une source, et qu'on sent que cette source-là a été effectivement bien mise en forme, que ça fait toute la différence, en fait, quoi. Et voilà. D'autant que vous parlez de source, on retrouve la métaphore de l'eau, quoi. Tout à fait. Alors, vous avez dans cette maison de la radio, où nous sommes aujourd'hui sans doute beaucoup de fans, il y en a un qui vous aime plus que tous les autres, qui vous connaît depuis le début, qui sait sans doute tout ce qu'il y a à voir sur vous et qui vous adore. Il s'agit d'Emmanuel Laurentin, qui présente l'émission Avant les chemins de la philosophie, la fabrique de l'histoire. Il avait une question à vous poser. Il n'a pas osé venir. Alors voici la question qu'il voulait vous poser. Vous citez souvent dans vos chansons d'autres chanteurs, des Serge Gainsbourg et d'autres, ou encore vous avez pratiqué l'art de la reprise. Est-ce qu'il y a là-dedans une volonté de s'inscrire dans une généalogie ? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'une généalogie pour la chanson ? Julien Doré ? J'ai souvent vu en fait c'est très visuel ce que je vois dans le lien entre les chanteurs, en fait, au fil du temps, au fil des années. Je vois vraiment ça comme des espèces de maillons, en fait, d'une chaîne qui se tiennent, même s'ils racontent pas du tout la même chose, etc. Et qu'en fait, qu'on le veuille ou non, ce qu'on fait dépend toujours de quelqu'un d'autre, en fait. Et on est toujours attaché à ça, mais en fait, on est dans cette lutte aussi de s'en échapper, de dire non, je ne fais pas partie de cette chaîne-là, mon maillon est un maillon solitaire, ce que je propose est différent des autres. Même si, évidemment, j'ai beaucoup de respect, d'amour pour ceux que vous me citez, moi, ce que je fais, c'est encore autre chose. Et en fait, ce truc-là, complètement indissociable, qui du coup correspondrait à cette lignée, à cette famille, aux gens de qui on, finalement, de qui on dépend inconsciemment, etc. Ça me parle. Mais assez bizarrement, j'ai toujours l'impression de faire de la musique, pas comme un musicien, c'est-à-dire, c'est comme si mon domaine d'activité était ailleurs et que moi, je l'exprimais par la musique, par la chanson. Je sais pas si je suis clair, mais c'est-à-dire que... Où se trouverait ce domaine d'activité? Je pense que c'est lié à plein de choses. Hein. Je pense que c'est lié effectivement à ce dont on parlait tout à l'heure avec les beaux-arts, le fait que je faisais surtout du dessin et d'autres choses et que... J'ai l'impression que c'est juste une forme, en fait, que ça passe par là, mais ça pourrait passer par mille autres zones, en fait. Et que du coup, évidemment, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour plein de chanteurs, mais c'est pas en moi, en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est pas ancré en moi. C'est pas, comment dire, quand j'ai écouté des gens comme Alain Bachung, Gérard Manset, Jean-Louis Murat, Christophe, voilà, on parlait de Gainsbourg, Brel, etc. Enfin, pour parler de chansons, on va dire, françaises, de mots qui sont ceux de la langue que je parle. J'aime, je trouve ça incroyable, et ça me plaît en tant que mélomane, mais en fait, c'est comme si c'est pas ça qui m'a donné envie de faire des chansons, en fait. Et j'arrive toujours pas à savoir, en fait, d'où ça vient, en fait. Je me demande parfois si ça aurait pas pu totalement passer par d'autres formes, en fait. Mais je l'aime, celle-ci. Je l'aime profondément. J'aime chanter, j'aime écrire, j'aime raconter ces choses-là sur scène. Mais je sens pas de filiation, d'attachement au passé en musique, en fait. C'est comme un mouvement permanent et je sais pas vraiment où je vais aller. Mais pour autant, c'est la forme que j'ai choisie et on est nombreux à la partager, quoi. Du coup, je sais pas trop. Mais en même temps, cette chaîne dont je parle, là, voilà, que je le veuille ou non, j'en fais partie, quoi, je crois. Mais en même temps, c'est une joie. Est-ce que vous voulez nous raconter une histoire au piano à votre tour? Oui. Un piano qui vous attend à côté. Je précise, voilà, ça fait presque 50 minutes que nous parlons. On n'a pas encore entendu une seule de vos chansons. Ceux qui ne vous connaissent pas ne savent même pas ce que vous chantez. C'est vrai. Et c'est sans doute une belle façon de finir cette discussion que de vous entendre passer le relais de la parole au chant. D'accord. Ben, faisons ça. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? C'est une chanson qui s'appelle Eden, qui est une chanson de mon dernier album. Je l'aime bien. Voilà, je l'aime. Je l'aime bien sur scène. J'aime bien la façon dont j'ai mis les mots. Je trouve qu'ils sont, voilà, je l'aime bien. Mais avec plaisir, quand vous voulez. Ma voix saura se taire, caresser ton visage, le bercer pour l'hiver, te désirer de rage, faire de ton pire passé un océan de glace, espérant te laisser là où les mers se croisent. Là où les mers se croisent, j'aurais voulu te plaire, te tenir contre moi, réussir à me perdre, là où ton pour pouvoir te plaire, te tenir contre moi, m'abîmer sans te perdre. Il faut que tu me vois, tes yeux sauront se perdre, se cerner du rivage, des rivières de colère où ta violence nage. Un soupir sur tes peines, oublié contre moi, et penché sur tes lèvres pour leur parler de toi, pour leur parler de toi. Et si par hasard cette nuit venait brûler ton ventre, le remplir de désir, de cannelle et de menthe, c'est mon cœur qui aboie pour couvrir tes orages, c'est mon cœur qui aboie. J'attendrai que tu tiennes ton sourire à l'endroit pour oublier l'Éden et m'exiler de toi, et m'exiler de toi. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec une actualité. Aujourd'hui, quelle est votre actualité ? Eh bien, comme toute cette semaine était consacrée à la chanson populaire, je vous propose de continuer en musique, alors pas dans le même genre, mais toujours avec des paroles et du théâtre en plus, avec de l'opéra. Et c'est vrai que s'il n'y a rien eu sur le sujet entre Rousseau et les années 80, eh bien, depuis quelques semaines, il faut dire, trois ouvrages sont parus sur le sujet. Alors, il y a d'abord eu celui d'Olivier Lexa, dont j'avais parlé, Monteverdi et Wagner, Penser l'opéra, auquel il faut désormais ajouter des textes du philosophe-compositeur-musicien Carole Beffa, rassemblés aux éditions Almas et Diabolus in opera, et puis le livre de Marc Goldschmidt paru aux éditions Aedam Musicae, qui nous livre l'opéra sans rédemption ou Eros musicien, traçant un lien entre Wagner et Mozart. Pourquoi les philosophes s'emparent-ils à nouveau de l'opéra et en quoi l'opéra est-il un boulevard pour eux, pour la pensée ? Art total, c'est vrai qu'il ouvre à une multiplicité d'entrées, rebutant plus d'un auditeur, ceux qui tombent sous son charme ne cessent de vanter ces tensions qu'il soulève entre la scène et le livret, entre l'orchestre et les interprètes, et surtout entre la musique et les paroles. La querelle semble pourtant insoluble. Comment la musique doit-elle accompagner les paroles sans être un tapis ni les couvrir ? Et comment les paroles doivent-elles prendre forme au sein d'une mélodie sans en perturber l'harmonie ni être un bruit de fond ? Dès l'ouverture de son livre, Marc Goldschmidt fait apparaître cette modification de la musique avec l'opéra. Le langage des phrases. Les phrases ont-elles un sens dans l'opéra ? Si elles existent, si elles nous racontent bien un récit, la musique a quant à elle un langage insensé, ou du moins un langage qui se libère de nos catégories sémantiques. Comment alors entendre et non pas seulement écouter ces phrases ? J'imagine que la question se pose d'ailleurs à tout compositeur, musicien et interprète. Prenons par exemple ce que l'on écoute, la flûte enchantée chantée de Mozart dont parle Marc Goldschmidt. Elle n'est pas, selon lui, je cite, de l'ordre de l'essence ou du sens. Par sa teneur aérienne et son transport intensif, ce qu'elle produit relève très peu de l'analyse musicologique superficielle, nous dit-il. Et on serait tenté de dire que pour n'importe quel chant, n'importe quelle chanson, populaire ou pas, l'effet qu'ils produisent sur nous, leur air qui nous entête, notre manière de chanter phonétiquement sans s'arrêter sur leur signification, ont très peu à voir avec le sens. De son côté, Carol Beffa s'arrête sur plusieurs compositeurs. Ravel, Strauss, Wagner, bien sûr, mais aussi la célèbre Traviata de Verdi. Bel exemple de ces airs que l'on fredonne sans rien y comprendre. Bel exemple aussi d'un opéra truffé d'ellipses, de lacunes, où la structure est bouleversée, où le terme même de Traviata exprime d'ailleurs cette dissolution. Dilution des normes, dissolution des repères. Bref, un opéra où tout est subverti et que, pourtant, tout le monde suit avec passion. C'est qu'il n'y a rien ici d'une morale, d'une logique, d'une mécanique, nous dit Carol Beffa, mais tout un art de l'effet. On voulait des causes, des raisons, des explications au langage musical et on se retrouve ainsi avec l'opéra et peut-être toute chanson avec des brisures, des affects et de l'effet. Autre exemple convoqué par Carol Beffa, et ce sera le dernier, le Cid de Jules Massenet. Compositeur oublié, il a pourtant voulu redonner sens, non pas aux mots, mais à la présence d'un discours. Donner de la voix, redonner de la voix, voilà qui ouvre les perspectives de l'opéra. Merci Géraldine, avez-vous une recommandation de lecture à nous faire ? Alors les deux ouvrages dont je viens de vous parler, c'est celui de Carol Beffa aux éditions Alma, Diabolus in Opera, et puis le livre de Marc Goldschmidt aux éditions Aeda Musicae, l'opéra sans rédemption ou Eros musicien. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Géraldine Mostin-Savoie, Louis Servet, Claire Perriman-Holt, Nicolas Berger à la réalisation, Théo Gomard à la prise de son, Jacques Gamblin à la lecture des textes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série de redécouvertes d'émissions. La semaine prochaine, nous vous proposerons d'écouter la série consacrée aux philosophies d'Iran. Pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette série, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne, tout télécharger pour une durée illimitée. Afin de réécouter l'émission à l'endroit et à l'heure de votre choix, rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Mais pour l'heure, il est 11h. Restez à l'écoute sur France Culture.